بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc, لا يزال الكلام في صفة الغسل الكامل. Nous continuons à parler de la description du غسل complet. وقد تحدثنا في الدرس السابق Et nous avons abordé lors du dernier cours la façon de faire les ablutions durant le ghusl. C'est-à-dire qu'on a dit que il n'est pas obligatoire de faire les ablutions. La personne, elle peut mouiller tout son corps et que cela suffit largement. Mais si elle veut faire le ghusl complet, à ce moment-là, elle fait les ablutions pendant le ghusl. Et on est arrivé à la fin des ablutions. On a parlé du lavage des pieds. Est-ce qu'on retarde pour la fin du ghusl ou est-ce qu'on le fait au moment même, tout de suite après avoir passé la main sur la tête? Ou alors on fait les deux. C'est-à-dire qu'on passe la main sur la tête, on lave les pieds, ensuite on lave tout le corps et après on fait les pieds, encore une deuxième fois. On a abordé ce sujet lors du deuxième cours. Lors du cours la semaine dernière. فَإِذَا انْتَهَى مِنَ الْوُضُوءِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءِ وَخَلَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ. Et lorsque la personne finit ses ablutions, dans le roussel, lorsqu'elle finit ses ablutions, elle verse de l'eau sur sa tête et va frotter donc sa tête jusqu'à être sûre qu'elle a fait parvenir l'eau au, donc, à la racine des cheveux, jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'eau ait donc été propagée sur toute la tête, aux racines. Et après cela, la personne va donc passer l'eau sur sa tête trois fois. Comme هو مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته فاض على رأسه الماء ثلاث مرات. Et donc comme cela est cité dans le hadith de Aïcha رضي الله عنها, lorsqu'elle dit, puis il frotte avec ses deux mains, donc sa peau, jusqu'à ce qu'il pense que qu'il ait réparti l'eau sur toute sa tête. Puis il va passer l'eau sur sa tête trois fois. Et donc la première fois, tu fais tahlil, tu passes la main sur la tête comme cela. Et c'est après ça, une fois que tu as tout fait, que tu vas repasser trois fois sur ta tête, comme on a l'habitude de faire. Tayyib. Ensuite, ثم يغسل سائر جسده كما هو مذكور في الحديثين حديث عائشة وحديث ميمونة. Et ensuite, après avoir fait cela, la personne va laver tout son corps, comme cela est cité dans les deux hadiths, le hadith de Aïcha et le hadith de Meymouna, qu'on a vu la semaine dernière. ويستحب في ذلك التيامن كما هو مذكور في حديث عائشة. Et il est recommandé que la personne fasse التيامن, le fait de commencer par la droite, comme cela est cité dans le hadith de Aïcha. C'est pas le hadith qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est le hadith qu'on avait vu avant, au tout début. Aïcha qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Elle dit donc, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer du côté droit, lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait, et dans toutes choses qu'il faisait. Il aimait commencer du côté droit. Et donc ici aussi, tu vas commencer du côté droit. Tu vas donc laver le côté droit de ton corps. وذهب بعض العلماء إلى التثليث في غسل سائر الجسد قياسا على الوضوء. Certains savants, ils voient que il est recommandé de laver le corps trois fois aussi. Et donc tu vas commencer par le côté droit, tu vas laver trois fois le côté droit, puis trois fois le côté gauche. Pourquoi? Parce que dans les ablutions, tu le fais trois fois. Même lorsqu'on a cité tout à l'heure le fait de passer la main sur la tête, après avoir fait tahlil, on a cité que c'est trois fois. Et donc là, même chose. Illa anna alladhi alayhi شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الإنسان يكتفي بمرة واحدة. Cependant, la vie qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et aussi l'imam Ibn Baz et le Cheikh Ibn Al-Uthaymeen est que la personne va laver son corps une seule fois, pas trois fois. Pourquoi? لأن الصحابة وصفوا لنا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا التثليث في غسل الجسد. Pourquoi? Parce que les compagnons, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont cité la façon dont celui-ci il faisait son ghusl. Et ils n'ont pas cité le fait qu'il lavait trois fois son corps. Ils ne l'ont pas cité. Et donc nous restons avec le texte. Nous restons avec le texte. La façon dont ils nous ont décrit, nous le faisons comme ils nous l'ont décrit. Wakad. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة غسل القدمين في مكان آخر وتأخير غسلهما إلى آخر الغسل. Et donc, comme je l'ai dit au début, nous avons abordé lors du dernier cours le fait de laver les pieds dans un autre lieu que le lieu durant lequel que le lieu dans lequel on a fait le ghusl. Et le fait de retarder le lavage des pieds à la fin du roussel, et donc pour la personne qui veut retarder le lavage des pieds à la fin du roussel, c'est à ce moment-là qu'elle va laver. C'est à ce moment-là qu'elle va laver ses pieds lorsqu'elle a fini donc de laver tout son corps. Là, elle va laver ses pieds. فبقي لنا أمران أحدهما مذكور في حديث عائشة والآخر في حديث ميمونة. Et donc il nous reste deux points à voir. Le premier, il est cité dans le hadith de Aïcha et le deuxième dans le hadith de Maymouna. فأما الأول فقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد نعترف منه جميعا. Et donc en ce qui concerne le premier point, la parole de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle dit je me lavais moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un même récipient. Nous nous en servions ensemble. On prenait tous les deux l'eau de ce même récipient ensemble. Wa hadha al-hadith dalilun ala jawaz irtisal ar-rajul ma'a zawjatihi. Wa kawni kulli wahidin minhumā yanẓuru ilā 'awrati al-ākhar. Et donc ce hadith est une preuve montrant la licéité quant au fait que l'homme prend sa douche ou que l'homme se lave avec son épouse. Et le fait que chacun d'entre eux va regarder les parties intimes de l'autre. Il n'y a aucune interdiction par rapport à cela. Et ce hadith est la preuve que ceci est légiféré. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ جواز اعتراف أو اغتراف الجنوب من إناء الماء الذي يغتسل منه. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis à l'homme qui est en état de janaba, il est en état de janaba, il prend sa douche dans un récipient, il lui est permis de prendre l'eau qui est dans ce même récipient pour faire sa douche. Quelqu'un qui est dans une baignoire, n'a pas rempli la baignoire parce que sinon c'est du gaspillage, mais qui a mis un peu d'eau, il lui est permis, alors qu'il est dans la baignoire, de prendre la même eau de cette baignoire pour se laver. Cela lui est permis, comme cela est montré clairement dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. La question a été posée aux savants, mais nous, à notre époque, on utilise des douches, comment on fait, etc., par rapport à la quantité. Par rapport à la quantité. Parce que malheureusement, les musulmans sont éprouvés quant à ce sujet-là, la quantité d'eau qui est utilisée. Parce que malheureusement, on se laisse trop aller. Le robinet à fond, la douche à fond. Et ensuite, si vous voulez faire un test, mettez le bouchon sur la baignoire. Vous allez voir quelle quantité d'eau vous utilisez pour le rousse. Puis posez-vous des questions par rapport à la façon dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son rousse. C'est pas parce que tu utilises la douche que ça veut dire que tu dois faire du gaspillage. C'est pas parce que tu utilises la douche que ça veut dire que tu dois rester 5 heures, surtout, mashallah, pendant l'hiver, l'eau elle est chaude. On aime rester sous l'eau chaude longtemps. Et on ne calcule pas le fait que c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, c'est du gaspillage. Voilà tout ce faux. Inna Allah, Allah yuhibbul muslifin. Ne gaspillez pas, certes, Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Il n'aime pas les gaspilleurs. الأمر الثاني متعلق بتنشيف الجسد. Le deuxième point est lié au fait de se sécher le corps. قالت ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه أو بيده. Et donc ميمونة رضي الله عنها, elle dit, je suis venue à lui avec une serviette. Où? Un tissu, afin qu'il s'essuie. Alors il l'a refusé. Il n'a pas voulu. Et il a commencé à retirer l'eau avec sa main. Il a commencé à retirer l'eau avec sa main. ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ترك التنشيف بثوب أو بخرقة. Et donc certains savants, ils voient qu'il est recommandé de ne pas s'essuyer avec une serviette ou un chiffon. Autre. Il est recommandé de ne pas s'essuyer en se basant sur ce hadith. وذهب آخرون إلى إباحة الأمرين وأنهما مباحان متساويان. Et d'autres savants, ils voient que les deux sont licites au même niveau. Le fait de s'essuyer et le fait de ne pas s'essuyer. T'as fini ton rousl ou tes ablutions, tu t'essuies ou tu ne t'essuies pas, c'est la même chose. Les deux sont moubah. وذهب آخرون إلى أن التنشيف بخرقة ليس بمكروه. ليس بمكروه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. Et d'autres qui voient que le fait de s'essuyer avec une serviette, ce n'est pas détestable. Ce n'est pas détestable. Mais le prophète, il l'a délaissé. Il l'a délaissé cette fois-ci. وَالصَّحِيحَ أَنَّ التَّنْشِيفِ بِخِرْقَةٍ لَيْسَ بِمَكْرُوهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَةِ وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبْ أَنَّهُ مَرْوِيٌ عَنِ الصَّحَابَةِ فِعْلُهُ. Et donc, l'avis le plus juste est que le fait de s'essuyer avec une serviette, cela n'est pas détestable. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Et certes, Ibn Rajab a cité dans son livre Fath al-Bari que cela est rapporté, qu'il est rapporté que plusieurs compagnons l'ont fait, le fait de s'essuyer après les ablutions ou après le roussel. Et donc, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Wa laysa fil hadith dalilun ala karahiyati at-tanshif wa ghayatu ma fil hadith anna at-tanshifa laysa bi mustahab. Il n'y a pas dans ce hadith. Le hadith, quand on voit Maïmouna qu'il dit qu'elle propose au prophète sallallahu alayhi wa sallam un tissu ou une serviette pour s'essuyer et qu'il refuse, il n'y a pas en cela une preuve qui montre que c'est détestable. C'est pas une preuve que c'est détestable. Mais au pire, on peut dire que c'est pas recommandé. On peut dire que ce n'est pas mustahab. Il y a une différence entre détestable et mustahab. C'est quoi la différence? Donc, إِذَا لَمْ تَفْعَلْ الْمُسْتَحَبْ يُثَابُ عَلَيْهِ فَعِلُهُمْ لا يثاب أو لا يستحق العقاب. Et donc, le mustahab, ce qui est recommandé, c'est que lorsque tu l'accomplis, tu es récompensé. Mais lorsque tu le délaisses, tu ne mérites pas de punition. Ça, c'est ce qu'on appelle mustahab. Tu l'accomplis, tu es récompensé. Tu l'accomplis pour Allah, tu es récompensé. Tu le délaisses, tu ne mérites pas de châtiment ni de punition. Ça, c'est le mustahab. Le makrouh, c'est quoi le makrouh? Hein? Mais là où l'abdou. Détestable. Mais ça veut dire quoi, détestable? Ça veut dire que c'est pas haram. Mais ça veut dire. Et donc quand on dit c'est détestable, mais c'est pas haram, ça veut dire quoi? C'est ça, il faut comprendre. Fil ithm. Mais par rapport au péché et à la récompense. En fait, détestable, ça veut dire que si tu le fais, si tu le fais, tu n'es pas récompensé. Si tu le fais, excuse-moi, tu ne mérites pas de punition. Si tu le fais, tu ne mérites pas de punition. C'est ça qui est détestable. C'est-à-dire que si tu le fais, tu ne mérites pas de punition. Et si tu le délaisses, tu es récompensé. Si tu le délaisses pour Allah, tu es récompensé. C'est ça qui est détestable. Quand tu le délaisses pour Allah, tu es récompensé. Et si tu le fais, tu n'as pas de châtiment. Tu ne mérites pas de punition. Et donc, le fait de s'essuyer avec la serviette, ce n'est pas détestable. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est mustahab, que c'est recommandé. Les savants, ils disent, sauf quand il fait froid, pour ne pas tomber malade. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans Usul al-Fiqh. Et ensuite, donc pour finir, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long, il y a un dernier point qu'on avait oublié de voir. Donc la semaine dernière, el-madmada wal istinshak fil ghusl. Le fait de faire el-madmada et l'istinshak lorsqu'on fait le ghusl. Ra'ayna anna al-wudu laysa bi wajibin fil ghusl. On a vu que il n'est pas obligatoire de faire les ablutions durant le ghusl. C'est pas obligatoire. Tu viens, tu prends une douche, tu mouilles tout ton corps. Allez hop, il n'est pas obligatoire de faire les ablutions pour le roussel. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب المضمضة والاستنشاق كذلك. Certains savants, ils voient que aussi il n'est pas obligatoire de faire la مضمضة والاستنشاق. Pourquoi? المضمضة والاستنشاق جزء من الوضوء. فإن كان الوضوء غير واجب فكذلك المضمضة والاستنشاق غير واجب. Les ablutions ne sont pas obligatoires dans le roussel. Et or, el-madmada el-istinshak font partie des ablutions. Donc, el-madmada el-istinshak ne sont pas obligatoires. Ça, c'est un avis. Dhahaba Abu Hanifa ila al-wujub. L'imam Abu Hanifa, lui, il voit qu'il est obligatoire de faire el-madmada el-istinshak. Tu mouilles tout ton corps, mais en plus de ça, tu fais el-madmada el-istinshak. Pourquoi? لأن الأحاديث التي جاءت في وصف وضوء في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة والاستنشاق. Pourquoi? Parce que les hadiths qui stipulent la façon dont le prophète صلى الله عليه وسلم a fait son غسل, ces hadiths-là ont cité le مضمضة والاستنشاق. Et donc il faut que tu le fasses. Tu vas me dire ouais mais c'est pas cité dans le hadith de Aïcha. Maïmouna elle l'a cité. Mais Aïcha, elle ne l'a pas cité. Aïcha, elle a dit, tawadda'a wudu'ahu li salat. Il a fait ses ablutions comme il fait pour la salat. On va dire, ce n'est pas cité, mais on le comprend. Lorsqu'on te dit, il a fait ses ablutions comme il le fait pour la salat, on comprend qu'il a fait le mandat d'istinshak aussi. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Abu Hanifa, lui, il voit que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il dit dans son livre, wa in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes junub, en état de janaba, alors, purifiez-vous. Et la sunna nous montre comment on fait cette purification. Et donc, elle l'a dit. Et donc, ce que je conseille à mes frères, c'est de délaisser la divergence, donc de sortir de la divergence, et de ne pas délaisser le mandat al-istinshaq. Vous l'avez. Si tu ne veux pas faire tes ablutions, tu n'as pas le temps, tu dois faire le rousl et tu es en retard, tu laves tout ton corps et tu fais le mandat al-istinshaq. Comme ça, tu es sorti de la divergence. Inch'Allah ta'ala. Wa kadhalika huwa ikhtiyar Sheikh Ibn Baz wa Sheikh Ibn Uthaymin. Et aussi, c'est l'avis du Sheikh Ibn Baz et de Sheikh Ibn Uthaymin qu'il est obligatoire de faire el mandat wa al-istinshaq. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين